donc un peu les filles. Allez, on va arriver ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric. Bienvenue ici sur l'antenne du RIG 90.7 de la bande FM. Et évidemment, c'est le maire tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. C'est la rentrée de l'émission Johnny de A à Z. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Ça y est, on va attaquer maintenant le plus gros. Le plus gros, c'est la rentrée. Et c'est reparti pour une série d'émissions Johnny de A à Z. Aujourd'hui, je vais vous proposer une émission live. Pourquoi? Parce que c'est le premier mercredi du mois. Donc, évidemment, émission live avec ce soir plein de petits pirates, tipiaques, comme vous voulez. Voilà. Et je vais vous proposer de voyager un petit peu à travers la France. Hein. On va aller à Narbonne, on va aller à Béziers, on va aller même en Belgique, à Bruxelles. On va aller aussi près de Paris à Vélizy et on va aller à Paris, on va aller dans la capitale française. Installez-vous bien, hein, et c'est parti pour un peu plus de deux heures d'émission. Ouais, c'est la première, on va faire comme ça. Et si on partait tout de suite... C'est ta 20e rentrée. Ah oui, aussi, merci Thierry de me le rappeler. Oui, c'est la 20e saison de l'émission Johnny de A à Z. Donc, on fêtera ça, voilà, on fêtera ça l'année prochaine, en 2021. Tu m'offriras ta plage horaire, d'accord. Mais toi, tu seras invité alors. Si tu me l'offres, je t'invite. Avec grand plaisir. Alors, on va aller dire tout de suite du côté de Narbonne. Nous sommes en 1975. La dernière rentrée parisienne de Johnny date de 1971. Même si c'est produit pour des nobles causes en 1972 et 1973 à l'Olympia. L'idole sillonne les routes de France, de Belgique et de Suisse. Johnny, qui depuis quelque temps reçoit de nombreuses critiques négatives de la part des journalistes, le présumant dépassé et ringard. Il inflige un magnifique démenti à ses injustes détracteurs. À l'invitation de Radio Monte Carlo, Johnny a l'idée parvient à réunir plus de 40 000 fans sur la plage de Narbonne le 27 juillet 1975. Un spectacle auquel était également associée son épouse, la rayonnante Sylvie Vartan, et l'événement était gratuit. On va tout de suite du côté de Narbonne. Bonne soirée à toutes et à tous, vous écoutez l'émission Johnny de A à Z. Je veux dire que ça faisait un gâteau d'anniversaire extraordinaire. Il y a eu des milliers et des milliers de briquets d'allumettes qui se sont allumés dans la nuit. Et on a pu à peu près évaluer cette foule. Je veux dire, on parle de 40 000 personnes. C'est incroyable. Actuellement, il y a l'orchestre de Johnny qui est en train de se régler, comme tout à l'heure, l'orchestre de Sylvie, puisque ce sont chacun produits avec leurs musiciens respectifs, c'est normal. Et je peux vous dire que maintenant, ça va être un show de rock'n'roll et de vrai rock'n'roll, puisque Johnny, vous le savez sans doute, est maintenant en plein dans le rock, comme à ses débuts d'ailleurs. J'ai vu, comme j'avais vu le show de Sylvie à Marseille, j'ai vu le show de Johnny à Ajaccio. Il n'y a que des tubes, ce n'est que du rock'n'roll. Il arrive, il essaye d'approcher actuellement de la scène. Il y a beaucoup de monde qui presse autour de lui. Il est un peu énervé, je dois le dire, parce qu'il y a vraiment une foule qui l'entoure. Et vous savez que Johnny n'aime pas beaucoup, avant d'entrer en scène, être assailli par le public. En dépit de ce qu'on pourrait croire, il est assez timide. Mais voilà, il se glisse le long de la scène. Ça y est, il est sur scène. Voilà les applaudissements. Il a un blouson de cuir blanc. Je veux voir, je la regarde pas avec des yeux comme ça. Je veux dire qu'elle n'est pas encore à toi. Dégage. Tu vois ce que je veux dire. J'ai la moyen de la garder, elle me le promet. Sans personne, dégage. a beaucoup de qui sont en vacances, non? Est-ce que vous passez de bonnes vacances? Peut-être parce que vous êtes très loin de moi, mais je ne vous entends pas. Pourtant, vous êtes 30 ou 40 000 personnes ce soir. Alors, une fois, j'aimerais pour qu'on sache quand même, pour qu'on entende qu'il y a 40 000 personnes, j'aimerais tous en même temps vous entendre crier. On a fait cette soirée avec tous nos amis de Radio Monte Carlo. Pour vous, nous avons voulu faire un spectacle, Sylvie et moi, gratuit pour vous dire au revoir, parce que ça fait maintenant 15 ans que je chante sur scène. Et j'ai décidé de prendre un an de vacances. D'abord, je crois que je dois vous expliquer pourquoi j'ai décidé de prendre un an de vacances. D'abord, parce que j'en ai besoin. Ensuite, j'ai envie de retravailler un nouveau tour de chant pour vous. Et j'ai l'intention de revenir dans un an encore plus en forme qu'avant. Voilà. Mais donc, puisque je vais vous quitter pendant un an, on a voulu ce soir offrir une petite rétrospective des années 1960. Rectification de 1960 à 1961. En 1961, j'ai chanté une chanson qui commençait comme ça. pas du tout. Hein. Là, à part 3-4 chanteuses devant, là, qui sont formidables. Hein. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Alors, à part 15 personnes qui se trouvent devant, 30 000 qui ne savent pas chanter. Je suis très déçu. Ou alors, vous ne savez pas chanter, ou alors, vous ne voulez pas chanter avec moi. Je vais vous entendre là-bas, derrière, un peu. Est-ce que vous avez envie de chanter avec moi? écoutez RIG et l'émission Johnny de A à Z tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Et aujourd'hui, c'est la rentrée de cette fameuse émission qui existe depuis près de 20 ans à présent. J'espère, en revenant sur le concert de 1975 de Narbonne, qui a été diffusé par RMC à l'époque, j'espère que on verra un jour, du moins on l'entendra un jour sur un support CD, vinyle, tout ce qu'on voudra. Voilà, ça serait super ça également. Comme le prochain concert qu'on va écouter, c'était le 12 août 1978. Johnny et Sylvie se présentèrent sur la scène des arènes de Béziers devant 18 000 personnes éblouies. Les micros d'Europe 1 ont gardé leurs archives, eux, au contraire, de RTL. Europe 1 était présent également pour une retransmission en direct présentée par Jean-Loup Lafont. Le fidèle Carlos assura la première partie, puis le couple se succéda sur scène avant de se réunir pour deux chansons, Te tuer d'amour et It's so easy de Buddy Holly. Mais juste avant d'écouter Johnny Hallyday sur scène, on va écouter Johnny avant son concert. Donc il est interviewé par Jean-Loup Lafont et il est assez taquin, Johnny, il est assez taquin. Vous allez écoutez ça. Alors, je redescends ce fameux escalier de bois dans un tourbillon de fils. Fais attention, hein, tes chevilles. Oui. Si vous entendez un grand boom, ça veut dire que je tombe. Mais il y a combien? Il y a 17 marches, 20 marches. Voilà, j'ai failli tomber là. Une seule suffit. Alors attention, je vois la porte numéro 1. Peut-être derrière Johnny Hallyday, je ne sais pas. On ouvre le chemin. Ça va toujours, vous m'entendez? Absolument. Je vais essayer de m'approcher si je ne dérange pas. Il y a Carlos et je vois Johnny qui est dans un grand fauteuil. Ça va, Johnny? Ça va bien. J'ai dit tout à l'heure que tu étais arrivé dans le petit aéroport de Béziers à bord d'un avion que tu conduis toi-même. Ah bah, il faut bien de temps en temps quand même. Non, je ne savais pas, t'as un brevet de pilote. Est-ce que j'ai l'habitude de faire quelque chose de défendu? Toi? Oui, moi. Bon. Ça va sinon? Oui, et toi? Bah écoute, pour l'instant, je viens d'assister au... Vraiment, on peut dire un triomphe de Carlos. J'ai entendu. On va falloir s'accrocher après. Et qu'est-ce que je voulais dire, Johnny? Dans ces moments-là, t'es bien relax et tout? C'est pas marrant, parce que on me fait toujours finir. On me laisse jamais commencer. Moi, tu te rends compte, moi, serait moi qui... J'aurais déjà fini maintenant, je suis pressé, j'ai faim et tout. Oh, bon, enfin, bref, qu'est-ce que tu veux? Ils sont tous mis contre moi. T'as prévu une petite fête après ou pas? J'ai prévu une petite fête, oui, tu sais que c'est l'anniversaire de Sylvie, dans 3 jours. Alors, bravo, monsieur. Alors, on va le faire ce soir. Ah bon, mais tu connais déjà l'endroit, vous êtes du côté de Montpellier? Ça passe en direct, là? Ça passe complètement en direct? Oui, on va enfin dans les environs de Montpellier, oui. Ah, dans les environs de Montpellier. T'as le cadeau? T'as un cadeau pour elle et tout? Ah non, mon cadeau est à Paris, mais si tu veux, je fais ça ce soir. On va le faire deux fois, finalement. On va le faire une fois à la maison, avec... la famille, et il y a le cadeau là-bas, les aides, tout ça. Et puis ce soir, on fait ça, toi, pour les copains, la tournée, qui sont là avec nous, les gens de la troupe, et puis les miens. Autre chose, tu vas partir en vacances, parce que ta tournée se finit demain à Palavas, c'est ça? Ma tournée se termine demain soir à Palavas, les flots. et puis après-demain, oui, je m'en vais en vacances. Attends, si j'essaie de deviner les États-Unis? Non, la France. À la France? Mais quoi, l'Auvergne? Tu vas dans un coin vert, retiré, tranquille? Retiré, tranquille. Mais pas vert? Pas obligatoirement. Ok. Johnny, habillé tout en bleu, je vais le laisser. Et, hein? Il peut faire gris. Il peut faire gris. Carlos est à ses côtés, je laisse tous les deux dans la loge donc de Johnny, cette fameuse loge numéro 1, d'où j'essaye de sortir. Et je vais remonter mes 17 marches. Pour vous faire vivre, je pense, le tout début de l'entrée sur scène de Sylvie. Alors, Johnny, prêt? Pardon? Es-tu prêt? Pour? Eh ben, pour aller chanter, peut-être, non? Ah non, je vais manger, moi, maintenant. Ah, tu vas manger? Ah oui? J'ai faim. Et t'as déjà trouvé ton menu? Moi, je connais ton menu. Ça commence par un Johnny Be Good? Non, ça va commencer sans doute par une petite salade de truffes. Ah, mais c'est vrai? Avec peut-être des... je sais pas... Ah, et puis ensuite, ce sera un bon cassoulet, et puis voilà. Ah, ça, c'est complètement décidé. Ah oui, je m'en vais, j'en ai marre d'attendre. Ah, t'en as marre d'attendre, oui. Pourtant, t'es allé voir Sylvie chanter? Oui, mais c'est long. Hein? Cette jeune femme chante trop longtemps. Oui. Beaucoup trop longtemps. C'est mauvais pour la santé de chanter si longtemps, enfin... Écoute, enfin, Carlos, je le vois rentrer dans des états pas possibles, tout transpirant. Sylvie chante 1h15, ce qui est impensable pour un artiste. C'est pas peine de me cracher dans l'œil. Dis-moi, tu comptes faire les rock'n'roll à la fin de ton tour de chant ou pas? Crois-tu? Ben, je te pose la question. Ce sera la surprise. Ce sera la surprise. Ça, c'est bien un truc de Gémeaux, quand même. Quoi ? Eh ben, te dire, on verra bien, peut-être que oui, peut-être que non. Dis donc, je te trouve bien curieux, toi. Pourquoi ? Tu me poses toujours des questions. Ça va, toi, tu me poses des questions. Eh ben, je te dis bonjour, c'est tout. Je te dis bonjour, je te l'ai dit depuis le départ. Alors, dis-moi bonjour, ça va ? Eh ben, bonjour, ça va ? Non. Bon. Et alors, et cette moto qui a devant ? J'ai remarqué, tout le monde dit toujours, quand tu dis bonjour, ça va, tout le monde dit toujours oui, même quand ça va pas. Pourquoi pas dire non ? Ah, non, tu me répondrais pas que ça va pas en ce moment. Ah non, moi ça va, mais t'as pas remarqué ça ? Toi, si. Toi, des fois, ça va pas toujours. Oui. Bon, je te dis ça va, tu vas bien, tu dis ça va super toujours. Pourquoi ? Ça va pas, dis-le. Ah ben, je le dis, moi, quelquefois. Non, tu me le dis jamais. Oh, ça. La moto qui est devant, tu repars avec ou quoi ? Et ta femme va bien ? Ben oui, et toi ? Et la tienne ? Ben, elle a l'air, hein. Non, mais ta moto, tu repars avec ou pas ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Bah, j'aurais savoir pourquoi t'as fait mettre cette moto devant la porte d'une loge. Bah parce que ma moto, je l'ai retournée. Et pour pas rester dehors ? Rester dehors avec les gens qui adorent, ça va pas, non ? Ils vont me la désosser en 5 minutes. Et tu... Il y a la radio aussi, j'ai vu dessus. Il y a la radio aussi, oui, ben oui, je suis bien obligé pour écouter Europe numéro 1. Ah ben parfait. Bon ben Johnny m'a l'air dans une forme absolument éblouissante. Il est quelle heure en fait là ? Vous le savez mieux que moi à Paris. 23h44 et 15 secondes. 23h44. Exactement. Bien. Alors, et Johnny, l'heure est donnée par Seiko. Excellent. Johnny, on le retrouve tout de suite sur la scène du design de Béziers. C'était en 1978, le 12 août exactement. Il va nous interpréter Un coup pour rien, La fille du square, Requiem pour un fou, Joue pas de rock'n'roll pour moi, Elle m'oublie. Tout ça pour votre grand plaisir. C'est la rentrée de l'émission Johnny de A à Z. J'avais besoin d'un cul de peau, pas d'un coup manqué. C'est tout là pour la chance, c'est encore un gros moyen. J'avais reçu un coup au cœur, un coup défendu. Quand tu m'as fait le coup de cœur, du coup j'y ai cru. Pour l'amour, c'est encore un coup pour rien. Je dois te dire que j'en ai marre, je coupe pas de la vie. Oh oui, j'ai fini les coups de poing, c'est des coups pour rien. Tu es passé en coup de pente de mon cou à mon lit. Tu as fait une paire de coups avec un de mes amis. Pour ta fidélité, c'est encore un coup pour rien. J'en ai marre de tes coups de fil, de tes coups à dessus. Tu n'en veux vraiment pas le coup, contente le tout. Un coup là pour l'amour, c'est encore un coup pour rien. Je dois te dire que j'en ai marre. Des coups pour rien. Corinne et Rock'n'Roll ce soir dans les arènes de Béziers avec Johnny Hallyday. Un coup pour rien, c'est du nouvel album Solitude à deux. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien, là? Et là-bas, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous n'êtes pas trop loin? Si vous êtes trop loin et que vous, moi, vous n'arrivez pas à bien me voir, ben vous n'avez qu'à descendre un mur plus près. J'attendais l'argent, j'attendais la gloire. Ils sont venus un jour sans cri et gare. Ils ont joué mon talent à coups de milliards. Pourtant quelque chose manque à mon histoire. Où est la fille du premier soir qui me disait un jour tu seras un grand musicien? Qui croyait en moi quand je n'étais rien. Les gens qui m'entourent me traitent comme un dieu. Ils ont si peur que je craque avant eux pour assurer leur vieux jour. Ils jouent le grand jeu. Ils croient que je ne vois rien dans leurs yeux. Où est la pire qui me disait un jour tu seras un grand musicien? Où es-tu, toi, la fille du square? Où es-tu, toi, qui croyais en moi quand je n'étais rien? On écrit souvent des chansons d'amour. Si je les chante, c'est que j'y crois toujours. Quelquefois en rentrant, quand revient le jour, si parfois j'ai le cœur un peu trop lourd, c'est pour la fille du premier soir qui me disait un jour tu seras un grand musicien. Où es-tu, toi, la fille du soir? Où es-tu, toi, qui croyais en moi quand je n'étais rien? Aujourd'hui, c'est la rentrée de l'émission Johnny de A à Z ici sur RIG90.7 et aussi RIGFM.fr. Voici tout de suite Requiem pour un fou. Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou badaud. Je suis celui qui fait un pas. Je ne ferai pas de cadeau. Et éteignez tous ces projecteurs. Et baissez vos fusils braqués. Non, je ne veux pas envoler sans elle. Dites au curé, dites au pasteur, d'ailleurs ils aillent se faire pendre. Le diable est passé de bonheur et mon âme n'est plus à vendre. Me laisser cette nuit, à l'aube, je vous donnerai ma vie. À quoi me servirait ma vie sans elle? Je n'étais qu'un fou, mais par amour, elle a fait de moi un fou. Un fou d'amour. la Népalie, les chasseurs et les chiens, enfin, c'est l'heure de sonner la lali. La bête doit mourir ce matin. Je vais ouvrir quand les volets. Croyez-moi le cœur, je suis prêt. Je vais m'endormir pour toujours pédé. Il est allé pratiquement aux quatre coins de la scène, comme on est dans des arènes. Chanter sans doute joue pas de rock'n'roll pour moi. C'était 76. Jette ton peigne. Des cailles bleues. Rejette son second peigne, des cailles toujours bleues. Et voilà, c'est parti. Je n'en veux rien à le dire. Je suis plus dur que tu le crois. Je ne sais pas de souvenirs. Je parle rock'n'roll pour moi. Je parle rock'n'roll. Je parle rock'n'roll. Je parle rock'n'roll pour moi. Je reste un homme de fer pour mériter ce nom. Mais le Dieu qui est la folie marche à tes côtés. Si vous parlez de torture et de l'eau. Je n'avais plus rien à le dire. Je suis plus dur que tu le crois. Et je ne sers pas de souvenir. Pendant très longtemps, avec le sourire de la pente.

C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Quand l'amour s'en va, Dieu, tout est fini. Dadu, run, run, run, dadu, run, run. Je sais qu'au long de toutes ces années, je peux compter sur vous, mais vous, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Je promets, quoi qu'il se passe, que tout est possible en moto. Ah, je vous aime. Le rock'n'roll, il est là pour rester. À présent, nous sommes en 1982, le 27 février. Après Liège, Johnny rejoint la moiteur du Forest National, où bien entendu, ses Diables Rouges de Bruxellois le portèrent en triomphe comme à l'accoutumée. Voici trois titres de ce Bruxelles du 27 février 1982, Derrière l'amour, La Caisse et Noir c'est Noir. Vous écoutez l'émission Johnny de AZ qui fête sa rentrée aujourd'hui pour sa 20e saison. Thank you. Régis, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est la rentrée de l'émission Johnny de A à Z, ici sur RIG 90.7 sur la bande FM à Bordeaux, et aussi RIGFM.fr pour suivre cette émission en direct. Et puis aussi, vous aurez droit, bien sûr, au podcast, bien entendu. Dernier titre que nous allons retrouver à Bruxelles avec John Hallyday en 1982, voici Noir c'est Noir. après le au Forest National, le 21 mars 1982, c'est sous un chapiteau dressé sur le parking du centre commercial de Vélizy, en région parisienne, que Johnny Hallyday met un point final à sa tournée de l'hiver 82. Les 10 000 personnes présentes firent un triomphe à l'idole, et le concert a été organisé en soutien à la station de radio RFM, en proie à des difficultés financières, et Sam Bernett animait la soirée, et Alain Souchon, Daniel Balavoine et Nicolas Perrac partageaient ce programme exceptionnel. On va retrouver 3 titres à ce Vélizy 1982. Si j'étais un charpentier, que je t'aime, et après Gabriel. Merci. Mais de rien, Johnny. Hein. Vous écoutez l'émission de la rentrée de l'émission Johnny de A à Z ici sur RIG. J'étais un charpentier, ce qui t'appelait Marie, aurais-tu alors m'épousé, porter notre enfant? La maison ne serait pas le palais d'un grand roi, je l'aurais construite pour toi, seul avec mes mains. Être forte quand notre fils sera un homme, il aura beaucoup à faire. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, oh, mes mains seraient sèches et dures, elles tiennent si fragiles. Les hommes et leur colère viendraient la nuit pour tuer. Oui, nous fuirions dans le désert, cacher le nouveau-né.

défie ton amour étrange, ma vie. Et l'enfer est bien comme un espoir, car dans tes mains je me vois chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et entendre la vie et ne plus m'étouffer sous tes cris. Certaines filles que vous connaissez tous très bien. Dix ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma belle pour ça de l'amour. Non mais vous voyez un peu dans quel état vous me mettez tous les soirs. Je veux te voir changer. Je veux te voir bouger. Vous n'avez pas honte, non? De l'amour. Nous sommes en 1984, c'est dimanche et c'est l'été. Tous les fans de Johnny Hallyday ont l'oreille collée sur le haut-parleur de leur radio pour écouter les Sunday Rock. Johnny avait donné un concert de 2 heures devant une centaine de fans et ce concert fut morcelé pour cette saga radiophonique de l'été 84. Voici quelques titres. Oh ma jolie Sarah, Montpellier, victime de l'amour, l'amour violent, mon petit loup. Et puis voilà, ça sera tout pour ces fameux Sunday Rock de 1984. C'était diffusé sur RTL. C'est la rentrée ici sur RIG, la rentrée de l'émission Johnny de A à Z. Ce soir, je vous propose des concerts radiophoniques, des tipiaques, oh, tout ça. Un pur bonheur. Thank you. Je suis tombé écoutez l'émission Johnny de A à Z. Et en ce moment, nous écoutons les Sunday Rock. Toujours la mûre. Les Sunday Rock étaient diffusés pendant l'été 1984. Voici l'amour violent sur RIG cette fois-ci. Et je rappelle que ce sont que les bandes des Sunday Rock n'existent plus chez RTL. Heureusement que cette émission est là. Hein. Ah oui, vous me le dites. Thank you. ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous ce soir. D'abord, qu'est-ce que vous faites tout cela dans mon salon ? Vous pouvez le voir, je chante en playback. D'ailleurs, je parle en playback. Avouez quand même que pour du playback, c'est pas mal, non ? Je suis comme ça. Je veux pas me changer. Une pierre qui va. Un ange en danger. Mais dites-moi maintenant, cette fois-ci, qu'est-ce que vous faites tous dans mon salon, hein ? Le rock'n'roll, il est là pour rester. Nous sommes la dernière ligne droite de l'émission et nous sommes toujours en 1984. Ce que vous avez pu entendre dans les Sunday Rock, c'était en préparation au fameux Zénith de 1984. Le fameux Zénith. Johnny donna près de 4 mois de représentation dans cette salle parisienne et pour rappel, une première édition vinyle sortie la veille de la première du Zénith. La source était les répétitions du spectacle. Puis sortir plusieurs supports en 1984, une deuxième mouture vinyle live du spectacle avec seulement 3 ou 4 titres en vrai live. Le CD qui s'appelle Une heure au Zénith, il n'y avait que 4 titres vrais live. Le CD et vinyle en concert au Zénith, 3 titres vrais live, ça c'était en 1985. Puis en 2003, l'intégralité, entre guillemets, du concert. Oui, Gabrielle était absente de ce set, avec seulement 5 titres vrais live. Et donc, qu'est-ce que je vais vous proposer ? En attendant qu'on ait enfin une version globale, vraiment le live, on va dire. Sinon, autant écouter le DVD, hein. Ou sinon, voilà, se copier la piste audio du DVD. Mais là, je vais vous faire écouter les 5 vrais titres live de ce Zénith pendant à peu près une demi-heure. Voici tout de suite, on commence par le titre Entre violence et violon. Le Zénith 1984, Johnny Hallyday ici, sur l'antenne de RIG, dans l'émission Johnny de A à Z. Et c'est l'émission de la rentrée. Il y a deux hommes en moi ennemis l'un de l'autre. Le fou contre le roi, Judas contre l'apôtre. La rage au bout des poings et le cœur sur la main. Aujourd'hui, Mr. Hyde et Dr. Jekyll. J'ai contre moi le rêve et pour moi la révolte. J'ai la paix sur les lèvres et les doigts sur un colt. Je joue avec les femmes à poker interdit. Mais je perdrai mon âme à gagner un ami. Je joue avec les femmes à poker interdit. Mais je perdrai mon âme à gagner un ami. Mon cœur se bat et mon cœur danse. Je suis patience et passion. Entre violon et violence. Oui, entre violence et violon. Je viens du rue bizarre des guitares électriques. Colorer ma mémoire de rêve d'Amérique. Je flottais sur l'Atlantique de Fender en Gibson. Et je roulais des mécaniques, parlais d'Amixon. Et j'allais au Las Vegas, le diable avait 16 ans. Mais pour l'école d'en face, l'enfant est un enfant. Et j'allais au bout de ma rue, comme au bout de la vie. Et j'avais tout connu sans avoir rien appris. Oui, j'allais au bout de ma rue comme au bout de la vie. Et j'avais tout connu sans avoir rien appris. Mon cœur se bat et mon cœur danse. Je suis patience et passion. Entre violon et violence. Oui, entre violence et violon. a deux hommes en moi, l'un prend et l'autre donne. L'un condamne celui à qui l'autre pardonne. Je suis entré en vie côté cour un matin. J'espère en sortir en vie côté jardin. Oui, je suis entré en vie côté cour un matin. Et j'espère en sortir en vie côté jardin. Depuis le temps que je fais ce métier, je ne pense pas un jour pouvoir me dire que je dois ça ou je dois ça à quelqu'un. Peut-être au fisc. Peut-être aux gens qui m'ont élevé. Et surtout grâce à vous. En dehors de ça, je ne dois rien à personne. Mais je ne méprise personne. Oui, j'ai donné plus que personne à cette garce, mais je me cogne. Je me fous de ce que l'on pense. Pour te dire, je m'en balance. Oui, j'ai mes joies et mes souffrances. Chaque jour, j'avance. Je ne dois rien à personne. Et je ne méprise personne. J'ai donné plus que personne. Non, je ne dois rien à personne. Par défi, par insolence, jamais resté sur la défense. Oui, chaque jour qui recommence, je manque l'avance. Je ne dois rien à personne. Mais je ne m'écris personne. J'ai donné plus que Du Zénith 84 qui sont parés jusqu'à présent, il n'y avait que 9 titres en vrai live. Et je vous propose, je vous les mets à la suite les uns après les autres, tous les titres live. Il n'y en a que 9 hein, sur les 24 titres, ou 25, je ne sais plus. Il n'y en a que 9 en vrai live. Il y a 100 000 façons de tuer la liberté. On commence par enfermer les enfants dans des placards. Et on finit par verrouiller des peuples. Et les territoires. Ne tuez pas, ne tuez pas, ne tuez pas la liberté. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Ils vont la tuer, la liberté ressemble à la femme que j'aime. Elle est fragile et belle. Touchez pas ses cheveux. Touchez pas sa lumière. Messieurs les assassins, vous me trouverez toujours au milieu du chemin. Cent mille façons de tuer la liberté. Des bourreaux en longs manteaux, sales gueules anonymes. Des censeurs et des ciseaux qui sanctionnent et qui suppriment. Mais ne tuez pas, ne tuez pas, ne tuez pas la liberté. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. L'air que je respire, c'est la mer, c'est le ciel, oui c'est le cri des oiseaux, c'est vivre dans la rue et traverser les frontières, dire non quand j'ai envie et dire oui quand. Il y a 100 000 façons de tuer la liberté. On commence par crucifier un homme sur une planche de bois. Et l'on finit par couper toutes les têtes qui dépassent. Mais ne tuez pas, ne tuez pas, ne tuez pas la liberté. Je n'ai jamais su faire de belles phrases. Tout ce que j'ai à dire tient en très peu de mots. Au milieu du chemin,

Johnny de A à Z pour son émission de rentrée. Tu l'as aidé, toujours Johnny, encore Johnny. Allez, nous avons encore plus de 20 minutes d'émission encore. Oui, je vous amène presque jusqu'au bout de la nuit. Mais enfin, ça, ça sera peut-être pour les 20 ans, ça. Les 20 ans de l'émission. On va écouter le medley du Zénith 1984 sur la RIG. Après Jean-Philippe Bette, je suis né à Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Canet. À 3 juin 1943, je suis né dans la rue par une nuit d'orage. Je suis né dans la rue, oui, je suis né dans la rue, dans la rue. Je suis né dans la ville où les murs sont aux oreilles. Derrière un terre à vague où se trouvent les guenilles. Dans un berceau de fer, je ne vais grandir. Ne vous étonnez pas si je ne sais pas sourire. Parce que je suis dans la rue. Oui, je suis dans la rue, dans la rue. Oui, dans la rue. Je vais te refaire rire. Tu n'es pas de parler. Je ne te donne pas ma revenir. Depuis toujours à pu écouter les 9 titres vrais live sur les 27. Ouais, il y a 27 titres sur ce Zénith 84. Il n'y en a que 9 en vrai live. Espérons voir tous, les entendre tous en vrai live un jour. Avant de vous regarder le DVD. Voilà. Ouh, ça sonne la fin, ça. Sur cette émission de la rentrée Johnny de A à Z ici sur RIG. Merci encore à toi et à toutes d'avoir participé, écouté cette émission, puis on retrouvera évidemment cette émission en podcast dès demain. Voilà, voilà. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un album de la semaine. Et pour ce, je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt, bonne nuit à toutes et à tous, à bientôt, ciao ciao. Oh, la marche, c'est vachement plus ordonné que nous. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7.